That was Lynette. Thanks, Lynette, for reading those poems so beautifully. I'm Ian Graham Leask, and now you're listening to KFAI, Fresh Air Community Radio, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul, and on the web at www.kfai.org. Now, stay tuned for the French. Bonjour, Minnesota. Here they come. The French are coming. Bonjour, vous écoutez KFAI, radio communautaire, à 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières, l'émission que vous écoutez Bonjour Minnesota, et vous pouvez aussi nous écouter sur kfai.org. You're listening to KFAI 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the program we present is Bonjour Minnesota. And tonight is Pledge Drive. Doop-de-doo. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Dana. Alors, on a de la musique. On a plein de musique. Qui parle de le fric. Qui parle du fric. Du fric, pas de le... Pas de l'Afrique. Mais du fric. Donc le fric. Le fric en français, c'est l'argent. L'argent. Parce que en français, l'argent... L'argot pour money. C'est l'argot, il y a le fric, il y a le pognon. Mm-hmm, pognon. Le blé. Le blé, wheat. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a plein de... Show me the wheat. Yeah. Show me the silver. All right. So the most important thing to remember is that Bonjour Minnesota is and has been a volunteer-run radio show on KFAI. KFAI has 80 émissions chaque semaine dans 13 langues différentes. So 80 different radio shows a week in 13 different languages. That means that we provide equal airtime to Abdel, Yvette, Fatima, Juan, everybody, John. All the underserved, I think. The underserved communities and anybody else who wants to put together a radio show and voice your community, what's going on in your life, you are able to do that at KFAI. So we want to remind you to call Oh, just a quick reminder before we jump into our fantastic music that Olaf has actually curated for us tonight. Thanks to RFI, Radio France Internationale. Mais on va dire qu'il y a deux hommes, nos amis Adrien et Romain, qui sont prêts à recevoir vos appels. Mm-hmm. Ah. À 612 75 90 30. So we have two Frenchies, Romain and Adrien. And they are waiting for your calls, for your pledge to help us. Mm-hmm. Non-profit, volunteers, fantastic community. And please call us, call them at 612-375-9030. And there's no minimum donation. You no give minimum. Whatever you want. But if you do give $10 a month, you get a fantastic pair of KFAI socks. Oh, I love the socks. And every contribution given during Bonjour Minnesota is doubled. Plus, you get our special gift that we give that has nothing to do with KFAI. We have our own Bonjour Minnesota list of items. You'll be entered. You get a gift no matter what you give, and no matter what you give is matched. Plus, you'll be entered in a raffle for Sanctuary gift certificate for $50, Trilon Cinema movie punch card for $25 value. What else? Two bottles of French cider is in the mix. August 15, we had Cider Ruiz. Cider Ruiz, they were here. De Bretagne, from Brittany. And this is vrai, le vrai cidre de la France. Right. And so if you want to be able to get into that, oh, and of course the last item, learning how to play pétanque with a true Frenchman, and that, bien sûr, c'est Frédéric. Yeah. Okay. Overall, musique. Yeah, for the pétanque. Quoi? We would need to coordinate before snow falls. I mean, I'm not a big fan of playing pétanque in the snow. Dans la neige. Le pétanque, dans la neige, dans ça peut neige. Faire les enfants en France. Oh, ça dépend. Mais ça peut faire... Et en plus, il fait moins 20, ça peut être impressionnant. That could be on news in France if you did it. So, anyways. On essaiera. Okay. What's the first song? Quelle est la toute première chanson, c'est une chanson qui s'appelle « Ah, si j'avais 1,50 $ » de l'Orchestre du Tabou. And it means « Ah, if I had 1.50 francs ». What could one have bought? And what year do you think this... It's old. Okay. So you could buy quite a few things. Probably a metro ticket or things like that. And après ça, il y a Dollar avec Gilles et Julien. Mm-hmm. Et ensuite, il y a une autre chanson qui s'appelle Sacré Dollar d'un groupe qui s'appelle Les Missiles. The Missiles. The Missiles. It's very... we talk a lot about missiles these days, but that has nothing to do with it. So they are just a Pacific French band that really like Sacré Dollar. Okay. All right, on y va. On y va. L'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loques, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la breloque, le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, quittant sa ferme, son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part, ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le vieux dans son église, le vieux dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, le soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Il qu'il éclaire le monde de son feu criard. Et les hommes à la ronde l'adorent sans retard. On ne perd pas le nord, vous pensez, juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer sa part. On joue, on perd, on gagne, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, on devient riche, dollars. On met les vieux pneus en conserve, et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec la... dollars. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on débite dans chaque église aux enchères comme une marchandise à coups de dollars. Mais sur la ville ardente, dans le ciel blafard, cette figure démente, c'est le dieu dollar. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort, il gagne toutes les âmes parce qu'il est en or. Auto, phono, radio, machine, truc chimique pour faire la cuisine. Chaque maison est une usine standard. À l'aube, dans une forme de série, on va vendre son épicerie. Et le soir, on retrouve sa chérie. Standard. Alors, on fait tourner des disques, on s'abrutit sans danger, puisqu'on est assuré contre tout risque. Fénard, la vie qui tourne comme une roue vous éclabousse et vous secoue. Il aime vous rouler dans la boue, le dieu dollar. Quand la nuit sur la ville pose son manteau noir, dans le ciel immobile veille le dieu dollar. Il hante tous les rêves des fous d'ici-bas, et quand le jour se lève, il est encore là. On devient marteau dans leur folie, les hommes n'ont plus qu'une seule envie, un suprême désir dans la vie. Dollar. S'ils s'écoutaient par tout le monde, on en sèmerait à la ronde, au fond de la terre profonde. Encore. On en nourrirait sans relâche les chèvres, les brebis et les vaches, afin qu'au lieu de lait, elles crachent. Dollar. De leur partout, de leur liquide, de leur engage, de leur solide, plein les cerveaux et plein les vides, encore, encore. Mais sous un ciel de cendre, vous verrez un soir le dieu dollar descendre du haut son perchoir, et devant ses machines, sans comprendre encore, l'homme crevé de famine sous des montagnes d'or. Papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets. C'est vrai, tout le monde se battrait. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour ta voix, sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare, tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. Elle m'avait promis de m'aimer, même à moitié fauché. Mais d'autres avaient ce que moi, moi je n'ai pas. Et cambriole la monnaie, c'est vrai, l'amour doit faire ses paquets. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour ta voix, sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare, tant pis pour ce sacré dollar, eh oui. Tant pis pour ce sacré dollar. Pour moi, le seul vrai bonheur est au fond de mon cœur. Si l'on croit que je n'ai rien, j'ai mes copains, et pour eux je donnerai, c'est vrai, le monde entier sans regret. Malgré tout, tu n'as pas pris ma voix, sacré dollar, j'ai gardé ma guitare. Je fais des chansons avec l'horizon, et si je les chante au hasard, eh oui, c'est pas pour toi, sacré dollar. Pour ce petit bout de papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets. C'est vrai, tout le monde se battrait. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour ta voix, sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare. tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. Tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. All right, that last song we just heard was from Les Missiles, The Missiles, Sacré Dollar, Sacred Dollar. He's going to make money by playing his guitar. Before that, we had Dollar quelque chose. What is that? Juste Dollar. Dollar mm-hmm. by Gilles et Julien. So Gilles and Julien singing Dollar. And just before that, If I Had 1 Franc 50 by L'Orchestre Tabou. So we are here. It's Pledge Night at KFAI Radio. Mm-hmm. We need your help. And unlike other countries where they might have a tax on radio and entertainment, that's part of your living expense by being a resident of the country, like France, like if your television tax, if they know that you've got a post radio ou télévision, yeah. they're going to tax you for how many TVs you have. And that's part of your audiovisual tax. Yes. In America, we do not have that, but there are big media entities that control everything with commercials and decide what to feed you. And the public is spoon-fed entertainment, and they have no idea that they could have a voice for themselves here at KFAI Radio. That's right. It goes to the point in France that La SACEM, which is the organization who's in charge of collecting the money, but in charge of redistributing the money to the authors and singers. Mm-hmm. If you're in a grocery store, I know some people had been in trouble because the baker in the back of the store had just the radio going on. Mm-hmm. And they were saying, I can hear the radio from the store, so you need to pay a tax. So, it was not like, you know, set up or anything in a store to have music. But because they could hear the music from the back, they were like, oh, I think you may have to pay. And that would be there are licensing fees that way here as well. Mm-hmm. And we have to document every song that we play each week on the songs list to be correct with the FCC and be a legitimate FM radio. And in order to have this type of coverage, we can broadcast over the Twin Cities area. Yeah. We're able to do that thanks to volunteers and like you and me. Toi et moi, Fred. Oh là là. Oula. Okay. Mais nos dons, les dons des auditeurs comme vous sont très importants. Mm-hmm. So we need your help. So we need those telephones to go crazy so that Frenchmen over there are busy writing contributions. Yes, because if they are not busy writing contributions, they get in trouble. Mm-hmm. I think they're squirrely over there. The phone might be ringing. Yeah. Call them now, 612-375-9030. And if you want to just say hi to Adrien, Romain, and whoever is there, that's cool too. That would be fun to just call and I'm sure they'll be happy. Them. Just give them a buck or something. I mean, oh, yeah, a dollar. They'll be happy. Someone told me that she'll call like 20 times to give a dollar 20 times to keep the people busy. But I don't know if she'll do that. That would be great. All right, should we listen to more music? Mm-hmm. All right, so la prochaine chanson, c'est une chanson avec un titre très très long. The title is super long. It's called Les Aventures Extraordinaires d'un Billet de Banque. Mm. Et c'est par Bernard Lavillier. So, The Extraordinary Adventures of a Banknote. Yes, from Bernard Lavillier. Mm. And after that, we're going to have Pognon. Money. From Jaco. Yeah, Pognon is like le blé, le fric. And after that, we're going to have not really a song, but like a tidbit of a movie called Touché pas au Grisby. Mm-hmm. And Touché pas au Grisby mean like the pactole, like the treasure, like when you do a heist, you know, it's like the big pot. Jackpot. Right. And it's an extract of that movie that's from the 50s or 60s, and that's super famous with Jean Gabin, Paul Francoeur, and Daniel Gauchy. And after that, we're going to have another song called Le Grisby from Victor Laszlo. On y va? On y va. Mm-hmm.

par ici. Il repassera par là. Faut pas se fier à ces choses-là. Barda, bifton et autres broderies. Laissez passer. Faf en divers formats. Papier, taffetas, tickets, tixons. Ils sont pas, c'est par ici. Ils repasseront pas là. Faut pas se fier à ces choses-là. You need us. And we need you. Take the first step in becoming a KFAI volunteer by registering at kfai.org/volunteer. Sign up for a new volunteer orientation hosted on the first Thursday of every month at 6:30 p.m. and find your on-air or off-air role today. Programming is supported by AMPRS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, announcing AMPRS.org. Featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPRS.org. AMPRS, diverse radio for Minnesota's communities. What do you love about KFAI? What's your favorite show on the station? We want to know. Call and tell us everything you like about Fresh Air Community Radio, and you may hear your voice on the air during our upcoming Fall Pledge Drive. Take the next step and call our listener response line at 612-293-9485. We can't wait to hear from you. That's 612-293-9485. Marco. Allez, raconte à Pierrot maintenant. Qu'est-ce que je peux raconter? J'ai rien fait à personne, moi. Peut-être pour m'offrir des chocolats que tu me guettais, hein? Petit voyou. Allez, raconte. Changez l'eau qu'a tu arrangé. Il voulait savoir où vous avez planqué votre grisby, toi, Hériton. Quel grisby? Eh ben, dis-lui. Angelo disait que vous avez fait une affaire de 50 briquins à moi. C'était où? Alors, continue. Angelo disait que si on vous piquait, toi, Hériton, il y en aurait bien un des deux qui nous dirait où vous avez planqué la joncaille. Où est Hériton? J'en sais rien, Pierrot, je te jure, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait comme temps? Trop jolie pour... honnête. C'est du soleil pour les alouettes. C'est clair comme le sourire d'un monde qui dort. Chance. Touchez pas, touchez pas, beau Crispy. We just heard Victor Laszlo. Victor is actually, you said she was a Eurovision finalist? Host, yeah. Host. She hosted. And singing Le Grisby, so The Money. Show yeah. us the money. And before that, we had Touché pas au Grisby from the film with Jean Gabin. Who else was in that? Paul Francoeur and Daniel Gauthier, je crois. Okay. It's like a gangster movie. Mm-hmm. You know, they kind of do a heist. They're like a bunch of guys, and they do a heist, and they have the loot. Mm-hmm. And so the guy who's being interrogated is like just trying to steal the loot for someone else. But the guy interrogated is kind of a wimp, and he's being slapped in the face, and like that's why you hear like, I don't know. Don't do the spoiler alert, or no. Don't tell anything. No. But the Grisby is the loot. Okay. Before that, we heard a Pognon by Jacques No. And the first song, Les Aventures Extraordinaires d'un Billet de Banque. Yeah. Is avec Bernard, de Bernard Lavilliers. Yeah, you said the Extraordinary Adventures of a Banknote. You said it. What were you saying? It's funny because so Bernard Lavilliers is very known for like singing, kind of like tough voice, tough guy and stuff. Mm-hmm. And here he's more narrating, and he's putting himself in the banknote place. Mm. And he said, like, he's been everywhere. He started from scratch, and he's been going into, like, very modest places. And Silky places, and that some guy slapping the girl got him back. And he got in a place where they met a lot of copies of him. Copies of him, and with someone who liked to work with Hinks and things. So it's funny. I mean, it's sarcastic at the same time. So that was pretty nice. The subject, le sujet ce soir, c'est le fric. Yeah, money, the dough. Yep, we're talking about money because this is a community radio station. Frederick, how did you first find out about KFAI? Oh, you. Oh, because of me? I wasn't because I came into Twin Cities in 2000, I didn't speak English or understood English very well. So when I was listening to radio, I was kind of shying away from radio where they had too much morning shows and talk. So I kind of stayed away from radios in general, unless they were playing music all the time. Mm-hmm. And so I listened to various radios throughout the time I was here. But it was only in the last couple of years you just discovered KFAI? Yes, indeed. And it's the aspect community that really appealed to me. Mm-hmm. You know, I mean, like most of the other radios, whether they are mainstream or more independent or whatever, they have their songs and their styles, and, you know, maybe sometimes they have cool interviews or cool artists coming, but the community aspect is really what was the most interesting to me. So, but yeah, it hasn't been that long. Bonjour Minnesota has existed since 1985, and KFAI, our listeners know that it was on the radio, started broadcasting in the 1970s. So it has a great history, but just to jog our listeners' minds a little bit, Olaf's wife, Georgette, who started the show, and Carol, they had the opportunity to interview Marcel Marceau, the Renoir's grandson, many other famous people from around the world. We've had opportunities. Very soon, is it next week? There's going to be the Consul General de Canada. Oui. And we have... We have the curator from the Institute of Arts to talk about shows that are related to French culture. We have the community members of Haitian descent in the Twin Cities. Then we switch things around and have friends from Senegal. As long as there's a French thread taking place, they are invited, and this is their home here on Bonjour Minnesota. We're welcome and want to make sure the francophone... La communauté francophone est bien représentée ici. So, les Français avec tous les francophiles. Mm-hmm. Tout le monde est bienvenu. Je suis allé voir Amadou et Mariam, qui sont du Mali. C'était un concert fantastique. On a eu des personnes de Bretagne, Cidre Ruiz, qui nous offre des bouteilles ce soir pour les gens qui vont donner des dons. Really, we're trying to milk all the aspect of French culture and Francophile culture and try to know more about it and to have our auditors know more. We have themes about immigrations. We have themes about, you know, World War II and the occupation with our friend Louise. A lot. And Jim Carroll. Yeah. The late Jim Carroll. And our big thing is, well, always playing French music. Mm-hmm. Tout le temps de la musique française. So call now, 612-375-9030, and your contribution will be matched. That will be doubled, and you'll be entered into the raffle. Yeah. And as long as you make your donation, even if you do it online and say, Bonjour Minnesota is your radio show, it will be doubled. It will be matched. So that's because of our auto club or our mysterious donor. Right. And the Auto Club is going ahead and making a contribution and pledging your support, saying, I will contribute $5 to $10 or any dollar amount per month. You get the fantastic socks at $10 a month. A contribution of $75 will get you the tote bag or the T-shirt. Anything will count. That's going to keep us on the air. And our raffle items, those are above and beyond those other gifts. So call now, 612-375-9030, and let's hear some new music. Yeah, or kfai.org. Mm-hmm. So the next song we're going to hear is from Rissé Barrier, and it's called Y'a plus de sous. Means there's no more money. No more money. And Ah, si j'avais des sous. If I had some money. From Gilbert Bécaud. And we're going to hear Les Tontons Flingueurs, which is another scene of a different movie about money and loot and stuff with Francis Blanche and Lino Ventura. And after that, we'll come back. But before that, we're going to hear some announcements. Have an event coming up? Want to spread the word? Looking for a new way to attract people to your business? Consider underwriting with KFAI. We have a number of underwriting and sponsorship packages that can benefit you while helping to support the radio you love. Would you rather hear your message during this show or that one? You can contact sales at kfai.org or call the station at 612-341-3144 to discuss your options today. N'est plus un sou comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous papa, y'a plus de sous maman. Les sous qu'on a c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, les sous on les voyait pas souvent. Le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas. Oui monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros, paf, ils vous foutent dans une tranche supérieure d'impôts. Olli, vache, bon sang, bon frère. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, quand on allait vendre ses pommes de terre, c'était au bistrot devant une chopinée de verre. On se tapait dans la main pour conclure le prix. Paf, parole donnée, cochon qui s'en dédie. Oui, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, pour vendre le fromage de nos bics, faut se servir d'une calculatrice électronique. Car s'il y a de la hausse dans le dollar américain, et bon, il y a de la baisse dans le reblochon et dans le crottin. Olli, vache, bon sang, bon frère. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, on se mariait pour faire des enfants, et la fiancée était choisie par les parents. Oh, c'était bien si elle avait de jolis tétons, mais l'important, c'est ce qu'elle mettait dans le corbillon. Ah oh, ouais, monsieur. Mais au jour d'aujourd'hui, la femme doit tenir la caisse. Ma Germaine à moi, c'est la reine du show business. Elle dit que pour s'enrichir, il faut s'endetter. Quand elle l'a dit, ça, le grand-père a ben failli claquer. Oh, sang de mon frère, y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un sou, je n'ai plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher, les petits voyages en Suisse. Ah si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Et pour avoir ces sous, il faut faire des affaires. Les sous appellent les sous, petits sous mis bout à bout, ça te fait une grosse affaire. Et des sous, j'en ai pas. Et je donnerais très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, ben faut des sous. C'est bien connu. Ah si j'avais des sous, j'irais chez le notaire. J'achèterais de la terre à Narbonne ou en Poitou, où je planterais mes choux. Mais pour planter mes choux, il me faut de la terre. Pour acheter de la terre, comme dit monsieur le notaire, c'est une affaire de sous. Et des sous, mais j'en ai pas. Et je donnerai très cher pour savoir où il y en a. À Bahia, au Pérou. Mais pour aller au Pérou, il faut des sous. C'est bien connu. Ah si j'avais des sous, je ferais des affaires. Mais pour faire des affaires, d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous. Ah si j'avais des sous, comme j'en ai envie, je serais riche maintenant et j'aurais évidemment beaucoup de soucis. C'est bien connu. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point c'est tout. Mais quand l'acheter, avec ça, touche pas au Grisby, salope! Et voilà, on est revenu. Elle se disait, il n'y a plus de scotch. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a plus de scotch, il n'y a plus de glace. Ah, no more ice, no more scotch. And he suggested, Lino Ventura suggested that she get some money, juice. Oh. And so that's when she panicked and said, like, but are you crazy? I don't want any juice. We want scotch. And the other person was much more moderate. And Les Tontons Flingueurs is another heist movie where the big guys, Lino Ventura was a little bit like Jean Gabin, but in a different register. Lino Ventura used to be a wrestler, so he was the big guy to kind of very impressive. And at the end, it ends by like, touche pas au Grisby. Don't touch the money. Yeah, don't touch the loot. I want to remind everyone, KFAI is a volunteer-based community radio station that exists to broadcast information, arts, and entertainment programming for an audience of diverse social, racial, and economic backgrounds. By providing a voice for people ignored or misrepresented by mainstream media, KFAI increases understanding between peoples and communities while fostering the values of democracy and social justice. Wow. The fact that you're listening to KFAI radio right now is because of contributors before you who've pledged their support and became members to continue community radio. So I'm asking that you call 612-375-9030 in order to help us continue this great tradition of community radio. Mm-hmm. And make sure that everybody has a voice. And yeah. Bonjour Minnesota continues to exist. Yes. Mm-hmm. Yeah, that'd be lovely. You can also give on kfai.org and make sure you specify that. Even if you specify that you want to give to Bonjour Minnesota, I mean, it's not going just for us. It's just like, it's a way for us to flag you so you get in a raffle. And then we also can send you a thank you note and make sure that you are appreciated and things like that. So we like to know more about you, and so that'd be great. So we invite you to call 612-375-9030 because the Frenchmen in the room next door, I think that they need a phone call over there. Yeah, they aren't busy enough. They're not busy enough. We need... They are not yet playing cards, but... Mm-hmm. They're talking... Just talking too much, and the phone's we need to ring more. All right, so what's the next song that we have in the lineup? So what's coming up? I mean, like, in that city, there's some a little bit of, like, how do you say bruitage in English? Noise, but it's like recording. Industrial? Yeah, so there's a small recording of pièces dans une assiette, so, like, some coins falling into a plate, like collection plate. But not in a church sense. I think it was more like in a public place type of deal. Like when you go to the bathroom, for example, you had to pay for it, and then you are giving your change, you know, to Madame go there. Pee-pee. Yeah, put Madame Pee-pee. Pee-pee. Yep. The pee-pee lady. After that, we're going to hear a song called L'air du Brésilien by Dario Moreno, Tonton Cristobal par Pierre Perret, et Makeshi Pépette de Richard Gottener. Richard Gottener qui a toujours été un musicien assez marrant, très, très enthousiaste. On y va. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore deux fois. Je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise, des diamants dans ma chemise. Combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé, et puis vers ma jeune Amérique tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé. Je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, Paris, Paris, Paris, je te reviens encore. Hurra, hurra, hurra. Je viens de débarquer, mettez vos faux cheveux coco. Hurra, hurra, hurra, j'apporte à vos crottes toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plumer, plumer, prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. Moi, les jeux et les riz et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris, comme mène en bal d'Anière. Sache-le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez, venez. Tantôt Cristobal est revenu, des vaisseaux, des lingots, il en a le queue cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tantôt Cristobal est revenu. À nous ses petits neveux, on nous disait, il s'est taillé. En Amérique du Sud, sans un pélo, tout débraillé. Mes enfants, que la Vierge nous patafiole, plutôt que de revoir un jour sa fiole. À Buenos Aires, il faisait la traite d'on ne sait quel produit. Il est revenu fortune faite, plein de cadeaux jolis. Une poupée qui fait pipi, qui se mouche, et qui a des seins qui se gonflent avec la bouche. Tantôt Cristobal est revenu. Des vaisseaux, des lingots, du lanel que cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. Depuis que tonton est là, on fume de la marijuana. On fout des coups de pétard partout, nos parents mouffent pas. Le matin après le chocolat, on chique. Et on crache à six pas comme au Mexique. Il était chef guerriero et dur comme un silex. Il a battu José Corral au poignard en solex. Estafilé de l'oreille à la bouche. L'autre avait un bel abreuvoir à mouche. Tantôt Cristobal est revenu. Des vaisseaux, des lingots, il en a le cul cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tantôt Cristobal est revenu. Je vais maintenant vous le décrire, il est petit, mignon. Il a le tuyau d'échappement plutôt près du gazon. Des pieds au blaire, il est plein de cicatrices. Truffé de Valda dans le tiroir à saucisses. Avec ses escalopes, il sait toujours d'où vient le vent. Il lui reste une dent en or juste sur le devant. Cristobal, vous sentez un peu la chèvre, disait ma mère en lui tendant ses lèvres. Tantôt Cristobal est revenu. Des vaisseaux, des lingots, il en a le cul cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tantôt Cristobal est revenu. Tantôt est mort un jour d'avoir oublié de respirer. Sa distraction fatale, nous ses copains, nous fit pleurer. Honteux de voir nos parents qui plaisantent autour de sa dépouille encore fumante. Mais un fantôme depuis punit cette famille ingrate. Quand ses bourreaux nous ont meurtri les miches à coups de savate, il vient la nuit tirer les pieds de ma mère, qui aussitôt fout une baffe à mon père. Tonton Cristobal est revenu, des pesos, des lingots, rien ne sera perdu, car le testament lègue aux neveux les écus. Tonton Cristobal est revenu. Bonjour, vous écoutez KFAI, radio communautaire Fresh Air, 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul. Et bien sûr, sur kfai.org, radio sans frontières. Et le programme que vous écoutez maintenant, c'est Bonjour Minnesota. Hello, you're listening to KFAI, Fresh Air Community Radio, 90.3 FM in Minneapolis and 106.7 in St. Paul. Radio without boundary, and the program you're listening is Bonjour Minnesota. We've been on since the mid-80s, are created and maintained and put up by Georgette. And we're just keeping on the torch, playing French music, interviewing people from the French community, Francophile, Canadians, Haitians, Africans, talking about the events in the Twin Cities. Anything that's in with a French thread is always welcome. Any kind of music is welcome as long as it is in French. And tonight, it's the pledge drive for KFAI and Bonjour Minnesota. And we would not exist without you. So please call us and pledge whatever you can. There's no minimum, no maximum. 612-375-9030. 612-375-9030 or www.kfai.org, and let people know that you want to contribute not only to the pledge drive but for the program Bonjour Minnesota. This will allow us to thank you personally, and you'll get in the raffle. We have an anonymous donor who's matching the donations, and we also have some good prices. So, we have a gift certificate for the restaurant Sanctuary in Washington Avenue with the French chef Patrick Atanalian, who's doing French fusion cuisine. And the Trillion Cinema has a punch card for 5 movies. And we also have two bottles of French cider from Brittany. The Cidre de Bretagne. Normally, cider is well known from Normandy, but they have some very good cider from Brittany, and I tried it. I can attest that it's a good one. And an introduction to the game, to the French game of pétanque. They are a little bit like bocce, but the balls are smaller and in stainless steel, so they are heavier, but the concept's the same. So if you want to keep on listening to French music and, you know, learn more about France, going from music to World War II or anything like that, feel free to call us at 612-375-9030 and pledge anything you can, anything you want. We will be grateful for anything you can provide us. Now, we have more songs coming, and we heard Macache Perpète from Richard Gottener. And Macache, I think, is another word, slang for money. Les Pépettes is some slang for money. We heard Pierre Perret avec Tonton Cristobal. And the story is about one of his uncles who kind of left for South America and was broke, and nobody thought they were going to see his face back. And he came back rich with tons of gifts because he kind of made money out of some merchandise that nobody knows about. And before that, we heard Dario Moreno avec L'Air du Brésilien. And Dario Moreno was very famous for a song called Mexico. And when I was a kid, I was living in the middle of Paris in Les Halles, and in the early 80s, there was a big gathering of people singing for money in the street, and there was this guy who was singing that song, Mexico. Mexico! I love that song. And the deal is that song isn't that long, and the guy was there from 10 a.m. to 10 p.m., so we got to know that song by heart. But it was good memories. That was Leal, there's so many street performers. That's what's so fantastic about it. I'm going back in October to visit my mom and my brother and family and stuff. And I haven't gone for 5 years. And the past 5 years, Leal has been a big mess. They totally wrecked everything. So all the buildings that were on the top of the mall, or the shopping mall are gone. They were full of asbestos, and they were not aging very well, so they decided to have them gone. They wanted to redo the public transportation at the bottom, which I think originally was planned between 400 and 600,000 people a day, and they were reaching the million. It was amazing. So, and they... I love being on those people movers at Les Halles to change metro stations, And the gardens, they tore all the gardens apart to redo them. So it's going to be very, very different. And I think it's going to be the first year. Last time, 5 years ago, was still a lot of construction things going on and things. So I think they are almost done now. Will you go to Beaubourg when you're there? Mm-hmm. Do you know that David Hockney, the American artist, he's famous for painting swimming pools, like men standing next to, he's this really incredible painter. He's one of my favorites. Okay. He donated a huge painting to Beaubourg, like Centre Pompidou. I don't know that we're going to do it with the boys. To go to Centre Pompidou? Yeah, I'm going with my 8 and 13-year-old, uh-huh. Eric and Julien. And we're going to focus on things that they want to do. Because mm-hmm. I've done quite a few things over there. Mm-hmm. So for sure, we're going to go like Eiffel Tower, and we're going to go to the Catacombs and mm-hmm. Disney and things like that. I'm not sure that Modern Art Museum, we're probably going to do a lot of walking. Right. So if we go by Beaubourg, we might go inside, peek in, but not necessarily spend a lot of time in the Modern Art Museum. Because mm-hmm. there's a fountain, the Place Stravinsky. Celle avec toutes les fontaines, bizarre. Ah, c'est Niki de Saint-Phal that's okay. around the corner. Okay. Right, if the Place Beaubourg, then mm-hmm. there's Café Coast. Is Café Coast still there? I'll tell you when I go back. Oh my gosh. Well, it was 5 years ago, but... There's that hot dog stand called Chien. Or Chien Chaud. Le Chien Chaud. Oh, yeah. Little things that I love about Léa. C'est mieux que la chienne chaude. When you're an American in Paris and you miss like something like a hot dog. Yeah. In front of Beaubourg, there's a tiny, tiny street going to a small street behind that where my grandpa was born. Mm. So that's going to be fun. Nostalgie. Mm. Oh. All right. I did it. Oh, bien. Okay. I know. T'as fait l'annonce? Yeah. Quand t'as filé à l'anglaise. Mm-hmm. Je l'ai fait, j'en ai parlé aussi. Bien. J'ai parlé des dons. So feel free to call us. Call Adrien and Romain. They are getting bored right there. They are waiting. Nope. We have one contribution sheet that they mentioned, but maybe we should get back to the music. Yeah, we should. Mm-hmm. So what's coming up is Argent Trop Cher, or Money Too Expensive from Téléphone. So that's going to rock. They 80s. Are pretty awesome. Les années 80. Ouais. L'argent de poche, or like, it's kind of pocket like... Pocket money. Pocket money, mm-hmm. but it's more like allowance. Like money that you give to your kids. It's mm-hmm. Pat Winther and Liz Sanders. And there's a small skit from Coluche. Mm. T'as pas 100 balles. You don't have 100 francs? Yeah, but 100 francs with the old money turn out to be 1 franc, too. So please call 612-375-9030 because Adrien and Romain, like right now, they are behind the window and they look at us and they are like... Comme making... des animaux dans les zoos. Yeah, and ils nous font des grimaces et ils sont en train de rigoler. Please keep them busy. Mm-hmm. And especially a call so that you could speak French with them. Yeah, they're definitely. Without giving away too much, Adrien is young and stellar, and he's from Cannes, and Romain is from Orléans. You know, like the great city of Orléans. The kings, yeah. Yes, and he spent quite a bit of time in Paris too. So, and he's a cinephile too. He loved movies, so. And après Coluche, that's going to be Eddie Mitchell. Ah, j'aime bien Eddie Mitchell. Mm. Avec une chanson qui s'appelle Fauché. Oh, poor, broke, yeah. broken. Broke. Yeah. All right. On y va? On y va. Allez, de la musique. Zik. Zik. Longtemps, il court tout, tourne autour de l'enfant. chercher, m'en fouiller, mais je ne trouve pas grand chose. Je n'ai que 10 francs chaque semaine, mais c'est quand même quelque chose. Voilà, mes parents se sacrifient pour que j'étudie. Car moi je ne suis pas un fils à papa. Et qu'on finit, je voudrais gagner ma vie, car c'est quand même moche d'être sans argent de poche. Je prends 5 francs pour le dimanche, le reste c'est pour la semaine. J'ai le choix entre le cinéma, le bar et la fête foraine. Pour aller au music hall avec tous mes amis, je me prive de sortie pendant 2 semaines et demie. On se cotise pour l'essence si on trouve une voiture, mais c'est quand même moche d'être sans argent de poche. Quand je reçois mon billet de 10 francs, pour moi c'est comme une victoire. Un vrai trésor qui pour certains ne représente qu'un pouvoir. Ah, plutôt que d'être blasé comme ces gens vaniteux, je préfère être fauché, je suis le plus heureux. D'après mon chalon, je m'en vais en sifflant. Ce n'est pas si moche d'être sans argent de poche. Hey camarade, t'as pas 100 balles? 100 balles? Enfoiré, ouais. Je dors le jour, ne sortant que la nuit, de peur qu'ils apprennent que je suis fini, je suis fauché. Je vais voir mon frère, voir ce qu'il peut faire pour m'aider. Mais je souris, car lui aussi, il est fauché. J'ai tout perdu, les malheureux au jeu n'ont pas d'amour heureux. Je voudrais pleurer, je voudrais crier, je suis fauché. C'est bien décidé, on m'a laissé tomber. Je prends à témoin le ciel si lointain, on m'a oublié. Je suis fauché. si, dis mes gains, demain, je travaille trois fois moins, demain, j'investis dans la pierre, demain, je suis propriétaire, je deviens millionnaire. Des concerts demain, je viens en hélicoptère, je deviens milliardaire. Un peu plus d'argent pour être à l'aise, un peu plus de temps ne vous déplaise, un peu plus d'argent pour voir plus grand, un peu plus d'élan, moins de mouvement. Et voilà, on est revenu. Ah, j'aime bien Sinclair. Plein de musique. Mm-hmm. C'était quoi le titre de cette chanson? C'était... Demain. Oh, demain. Tomorrow. Tomorrow. Mm-hmm. J'aime bien Sinclair. Wow. And before that, we heard Fauché from Eddie Mitchell, like broke. Fauché is like, what, ripe? Like when you reap what you sow? Oh, reap? Yeah. Reap what you sow. The reaping. Mm-hmm. Tape à 100 balles, c'était Coluche. It was just a quick skit from Coluche. Coluche was a stand-up comedian in the 80s, and he was very, very famous because it was super funny and always à propos. We heard L'Argent de Poche, Summertime Blues. Was that what it was? Summertime Blues? Yeah, the Paul Winter et les Sanders. Mm-hmm. Et avant ça, on a entendu Téléphone avec Argent trop cher. Et qu'est-ce que tu disais, Romain? Romain va nous joindre. Salut, Romain. Salut. Tu disais que Téléphone se réunit. Oui, mais les fans de Téléphone voulaient qu'il se reforme depuis des années et des années, mais ils ne pouvaient ni et ne voulaient pas vraiment, puisque la bassiste, ouais, n'était plus avec eux. Mais il y a deux ans, avec un autre bassiste, ils ont décidé de faire une sorte de se reformer pour juste Union tour. Mais même pas une tournée, c'était juste pour un concert unique, je crois. Et ça a tellement marché qu'ils ont fait une tournée qui s'est prolongée. Et il y a une dizaine de jours, ils ont fait deux dates, deux soirs de suite au Stade de France, 70 000 personnes chaque soir. Wow. Et maintenant, ils ne s'appellent plus Téléphone, parce que Téléphone, c'était les quatre d'origine. Et maintenant, ils s'appellent les Insus. Téléphone portable, les Insupportables. Et c'est ce qui est, et c'est, je crois, Jean-Louis Aubert qui a eu cette idée-là. Et ils ont dit, OK, allez, on s'appelle les Insus. Et ça marche du feu de Dieu. C'était apparemment énormément de succès, surtout 30 ans plus tard, au Stade de France. Et d'ailleurs, la même semaine est sorti le 13e album d'Indochine, qui aussi reviennent des années 80. Et l'album, c'était, je crois, le meilleur démarrage d'un album en France cette année. Plusieurs, je ne sais plus combien de centaines de milliers d'albums vendus. Wow. Ouais. Moi, j'aimais bien Indochine. Quand moi aussi. Hein. Ils ont toujours la pêche. Hein. Ils sont toujours. I didn't feel any big difference. I mean, quand je les écoute maintenant, j'ai pas l'impression qu'ils sont plus vieux ou qu'ils sont plus. Et Nicolas, moins de patates. Et même quand on les voit à la télé, Nicolas Sirkis, qui a 58 ans. Ouais. On a l'impression qu'il a toujours 35 ans, ça c'est incroyable, il part de la même manière, il a pas, bon, évidemment pas un cheveu blanc, mais ça c'est facile à faire. The new wave style, like kind of, he's dyeing his hair black. Gray is really in style now. Yeah, yeah. Is it? À la mode. Hein. Yeah. Ah bah voilà, c'est bien, à la mode. Il faut que j'enlève ma casquette alors. Okay. OK. On va écouter un peu plus de musique. Merci, Romain. Yeah. Anytime. Go back to the touchphones. Yeah. Va répondre au téléphone. Yeah. Il n'arrête pas de sonner, il faut que j'y retourne. C'est tellement. On attend vos appels. 612-375-9030. 612-375-9030. Et on veut remercier aussi l'Alliance française d'avoir contribué pour ce Pledge Drive. Mm-hmm. Donc. Merci beaucoup à Christina. But we need your gifts. Yes, we need you. We always need you. We need you so that you can be in the raffle for the special items. Ton of things. So we're going to listen to like a noise making like a la caisse enregistreuse, which is the cash register. The cash register. So that's going to be fun. After that is L'argent pourrit les gens, the NTM. Money destroys people, or it makes them rotten. Rotten. It rots people. It rots people. And Tim, and some no money, French no rap. Friends, from Ragasonic. They're French, and au nom du Pez. Et le Pez is another word. Pez here is for the candies, but le Pez is another word for money too. By Dafrique. And I think we may stretch to La Monnaie de Nick Mao. So. Très bien. On y va. Ascend to the Temposphere with Luke Andrews, Saturdays, 7 to 9 p.m. I know you'd like to have me on KFAI. We'll be right back.

95, la monnaie pourrit ton esprit. Yeah. Certaines femmes sont trop attirées par la monnaie. Elles se mettent avec des money man pour en tirer bon profit. Regarde Mike Tyson, ils l'ont mis en son prix. Yeah. À cause d'une sister qui en voulait juste pour son physique. Elle a inventé un viol tout en vie. Mike Tyson, tout vénère du business, blanc s'est reconverti. Yeah. Tu m'as compris, si t'as pas de money, t'as pas d'amis, watch out. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend, friend, friend, friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Lord, si t'as pas de money, t'as pas de friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Friend, friend, friend. Si t'as pas de money, t'as pas de friend. Lord, si t'as pas de money, t'as pas de friend. C'est nous, si t'as pas de money, t'as pas de friend. Pas d'argent, pas d'amis, t'as pas de money, t'as pas de friend. KFI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Have an event coming up? Want to spread the word? Looking for a new way to attract people to your business? Consider underwriting with KFAI. We have a number of underwriting and sponsorship packages that can benefit you while helping to support the radio that you love. Would you rather hear your message during this show or that one? You can contact sales at kfai.org or call the station at 612-341-3144 to discuss your options today. To make life better, worth living again, we can do it. We just gotta put our minds to it, and we can see each other through it. Juste un regard sur le pouvoir que donnent les arts élévatoires, de gauche à droite, même paysage, quelques mains moites, et pas de partage. Surtout prends soin de ta santé, semblait pas de soin, tu peux crever quelques liasses et tu déplaces dans des palaces, chacun sa place. T'as des bifes dans ta maison, t'as pas un rond, t'es sous les ponts, s'il pèse, tu as autour de toi tous les amis sont réunis. Tu veux une baisse, une verre de fesse, tu sors ton peste, couleur détresse, les top modèles se tapent des expliques à l'appel dans l'escarcelle. Ah si j'étais Robin des Bois, je défendrais tous ces prélats. Un diocèse pour Dieu le pèse. Mané, mané, Dieu tout puissant, de ses méfaits très décadents, pour qui tu sers de transaction. Mané, mané, mané, au nom du peste, du fric et du sacrédit. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom du peste, du fric et du sacrédit.

Dana est passée. Dana went to the dark side. She went to the phone booth just to make sure that everybody was working and stuff and like on the ready go to get your phone calls. So please call us to pledge 612-375-90340 or kfai.org. And you can give any amount. You can give monthly, you can give a one time, $5, $10, $100. Whatever you feel like your checkbook can do. Yes, thank you. And I wanted to talk also a little bit about what's going on in the Twin Cities. And turns out that on the 29th, so Friday, ce vendredi, at 7 o'clock at the Alliance Française, there's going to be a movie called Nocturama. It's the Cine Club. It's free to come in, contribution is accepted, and like donation. So feel free to go. And it's afmsp.org. So that's Nocturama and the Cine Club. And a lot of other things. So after that, there's a history cruise, the Sea Wing disaster. And it's in Lake City, so it's a little bit out and about, but it's on October 1st from 3:30 p.m. to 5:30 p.m. And go on our Facebook page, Bonjour Minnesota, and you go in the events and you'll see we added all of these events. Go on a history cruise with the Goodhue County Historical Society about the Pearl of the Lake. Travel the waters of the Lake Pepin. Pepin, and the Mississippi River with learning about the local history. Pepin le Bref. So that's where they started to do water skiing. Skiing began there, huh? Wow. Thanks, Adrien. Nice. On October 7th, on Saturday, there's going to be the Petit Déj, like the once a month meetup, where you can talk, and it's at the Alliance Française itself, in La Grande Salle, from 9:30 to 11:30. And it's sponsored by Bradsmith, and it's coffee and good company. But this one, there will be a dance performance by Afute Dance and Music Arts Company, giving a test of their 8th annual Afute Haitian Festival 2017. Mm-hmm. And you can check out their website. So you can go on our Facebook page for the event for that. They also, the next day on the Sunday, they also have the Haitian Festival in the Twin Cities. So cool. Put that on the calendar. It is on the calendar already. I mean, our listeners can put it on their calendar just by visiting the Facebook calendar. Page. Yes. Mm-hmm. The last event I'd like to talk about is the one coming up on October 5th, Cognac Workshop and Testing, Thursday, October 5th, 6 to 8 at the Alliance Française. Ticket information at afmsp.org. Join us and A. Hardy, USA, as we discover the spirit of cognac through a fully curated experience. We will discover its roots and how it kept its credibility through a long history. The testing will be conducted also featuring traditional grades, as well as some unique offering. And there's a fee. If you're a member, it's cheaper. Member of the Alliance. And you can RSVP at 612-332-0436 or afmsp.org. Très bien. We want to remind our listeners that it is Pledge Drive, and we want you to call now, 612-375-9030. We will have Carol and Olaf will be back with us in upcoming shows, but they would want you to call to support Bonjour Minnesota. Yep. And support French cultural music for the Twin Cities, introducing new music from France, but then again, sharing what types of French things happen here. So donate online at kfai.org or call now, 612-375-9030. And remember, we have fantastic relationships with the Trilon, with Sanctuary. Lots of great opportunities for you to experience French culture. And of course, our friends at the Alliance Française. So call now. And what do we have as music for our last songs? The last songs we're gonna hear, one is called L'argent ne fait pas le bonheur from Les Parisiennes. Money doesn't make happy. Yeah. And another song called L'île Saint-Louis de Michel Arnaud. That is for our friend Louise. Louise lived there when she was a little girl. Yeah. And I don't know if we're going to have time or not, but after that there's Olivia Ruiz avec La Petite Voleuse or The Little Thief. So on va écouter ça. On y va. On y va. Un soir a rompu ses amarres, elle avait soif de liberté. Avec ses joies, avec ses peines qui s'en allaient au fil de l'eau, on la vit descendre la Seine, elle se prenait pour un bateau. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Mais un jour arrive, en douce on s'esquive, on quitte la rive pour voir du pays. L'île Saint-Louis a de la peine, du pôle sud au pôle nord. L'océan ne vaut pas la Seine, le large ne vaut pas le port. Si l'on a trop de vagues à l'âme, mourir un peu n'est pas partir. Quand on est île à Notre-Dame, on prend le temps de réfléchir. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Les îles sages, pas de grands voyages, les livres d'images se font à Paris. Je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse. Le doigt est précis et l'œil vigilant. Je me suis bien juré de voler de tout. Voler pour voler, pour l'amour du geste. Faire ça difficile, c'est manquer de goût. On peut être doué et rester modeste. Faut pas croire pourtant que je manque d'ambition. Je me ferai les palaces, les soirées mondaines. À ce con du fric, tirer du pognon. C'est assez moral et ça paye sa peine. Je volerai des billes, de la Pécadille, des oui et des non pour le grand frisson. Je volerai des trucs, des engins caducs, des machins bizarres et des œuvres d'art. Je prendrai sans remords leurs bagues aux morts et bien entendu leurs cordes aux pendus. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. J'aurai un costume velours et satin, noir comme la nuit, faut rester discrète. Un loup sur le nez et des gants aux mains, moitié fantomas, moitié fantomène. Comme une référence pour les tire-laines, les filles de Gousset et les montants l'air. Je me vois assez bien traitée comme une reine, secrète et rusée par la paix grandière. Mais toujours toute seule, comme sont les vrais faux. Je partagerai pas, je garderai le butin. Et je ne serai, tant pis pour les pauvres, ni Robin des Bois, ni Arsène Lupin. Je volerai du fer blanc, de l'or, des diamants, des bijoux, des chaînes, le collier de la reine. Je volerai sûrement l'orange du marchand pour porter bonheur à un raton laveur. Je volerai encore le jour de ma mort tous les portefeuilles de la famille en deuil. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. Je me fais poisser devant le tribunal, je me démontrerai pas. Je n'ai que le goût, messieurs les jurés, du travail bien fait et de l'artisanat. Que nous dit le monde si nous l'écoutons? La bourse ou la vie et les mains en l'air. Ainsi font, font, font les fonds de pension, les marchands du temple et leurs actionnaires. Faut pas s'étonner que ça fasse des envieux. On n'a pas besoin de tout cet étalage. À force force de dire moi aussi j'en veux. On va tous finir dans le cambriolage. On volera des billes, des baisers aux filles, des petits bonbons, des bombes à neutrons. Passer à la caisse, on prend que les espèces et à l'occasion quelques stock options. Qu'on soit voleur ou spéculateur.